Bonjour à vous tous. Bienvenue à Dimanche Musette. Une émission faite pour et par des amoureux du musette. Dans cette émission, une heure de piano à bretelles. Le dimanche, mais aussi le mardi. Le dimanche de 9h à 11h, le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Sur GFM, votre radio locale, sur les 91 et 102.5, la plus proche de chez vous. Allez, allez, laissez-vous aller dans vos rêves avec le bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission. Ensemble, profitons de ces moments, de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48, du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Qu'allez-vous bien? Ensemble, on est bien. Julien Prulac au bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission Dimanche Musette. Dimanche Musette va démarrer aujourd'hui avec une marche et cette marche va nous emmener directement en Espagne. L'Espagne où le soleil brille et où les filles sont jolies. À la Castille, de Valence à l'Andalousie, ce sont des étoiles qui brillent dans les yeux des filles d'ici. Tous les plaisirs de la planète, au rendez-vous ici ou là, il suffit pour faire la fête de tapas et de sangria. C'est pour ça que j'aime l'Espagne. Quand j'y vais, je suis Hidalgo, pays d'amour et de cocagne. Je ne fais pas le distinguo. J'aime l'Espagne, j'aime ses villes et l'Alhambra et le Prado. Le blanc des maisons de Séville et ce feu qui brûle la peau. De la chaîne des Cantabriques, petite sœur des Pyrénées, à celle au midi de Bétique, près de la Méditerranée. Le vent colporte des légendes sur des accents de fandango qui s'amplifient et se transcendent sur des guitares flamenco. C'est pour ça que j'aime l'Espagne. Quand j'y vais, je suis Hidalgo, pays d'amour et de cocagne. Je ne fais pas le distinguo. J'aime l'Espagne, j'aime ses îles, j'aime les jeux de sable et d'eau. Et puis c'est vrai, j'aime ses filles, elles ont le corps et le sang chaud. d'Espagne, j'aime ses îles, j'aime les jeux de sable et d'eau. Et puis c'est vrai, j'aime ses filles, elles ont le corps et le sang chaud. Bien sûr, il n'y a pas qu'en Espagne que les filles sont belles. La Gitane, avec l'orchestre de Gérard Gouni, la belle Gitane, nous fait aussi quelquefois rêver. Avec une belle rose d'Auvergne, avec l'orchestre de Claudie Musette. Un beau matin, une jolie fleur sur mon chemin. Elle était belle, elle sentait bon. J'ai ressenti un grand frisson. Je l'ai suivie, le cœur battant. Elle m'a tiré comme un aimant. Mais comment faire pour lui parler? Je me suis donc mise à chanter. Belle rose d'Auvergne, viens fleurir dans mes bras. Donne-moi ton parfum, je ferai de toi le plus beau des jardins. Ton ton parfum qui s'imprègne, mais mon cœur en émoi. Je suis bien près de toi, je suis fou de joie, viens fleurir dans mes bras. Elle a écouté ma chanson sur un petit air d'accordéon. Elle m'a dit oui sans hésiter, j'en suis resté tout étonné. J'ai cueilli le plus beau bouquet parmi les roses et les genêts. Elle m'a dit dans un long baiser, veux-tu pour moi encore chanter? Belle rose d'Auvergne, viens fleurir dans mes bras. Donne-moi ton parfum, je ferai de toi le plus beau des jardins. Ton parfum qui s'imprègne, mais mon cœur en émoi. Je suis bien près de toi, je suis fou de joie, viens fleurir dans mes bras. J'ai cueilli le plus beau bouquet parmi les roses et les genêts. Elle m'a dit dans un long baiser, veux-tu pour moi encore chanter? De l'Auvergne à Barcelone, il y a quelques kilomètres qui sont vite dépassés pour assister à la Fiesta Fiesta de Barcelona. Quand tu allumes ton soleil de flamenco, tu donnes l'envie de danser aux hidalgos. Et ta chaleur d'été sur la piste endiablée guide nos pas d'un tempo enlevé. La course folle des taureaux vers la plaza, et le vacarme, les clameurs, la corrida. C'est l'allégresse d'une grande messe où chaque pas est un acte de foi. Fiesta, fiesta, Barcelona, la provocante. Fiesta, fiesta, Barcelona, tu nous enchantes. Ton paso doble, c'est un voyage vers un pays qui coule en renovie. Fiesta, fiesta, Barcelona, ta joie de vivre. Fiesta, fiesta, Barcelona, tu nous enivres. Et ta passion sous les bravos me fait rêver d'arène et de fiers toreros. Sébastien Dewaze. Sébastien Dewaze avec cette très très belle chanson, pardon, Le temps que vive une rose. C'est ainsi pour toutes choses, tout s'efface lentement, les fleurs ou les sentiments. Elle était belle, ma rose, ses pétales de printemps s'envoleront dans le vent. Sa vie fut bien éphémère, entre l'ombre et la lumière. Le matin qu'il a vu naître et la nuit qu'il a vieilli, ses pétales forment un tapis. En signe, elles te disent merci, merci d'avoir su comprendre que les choses les plus tendres au cœur des âmes blessées finissent un jour par lasser. Le temps que c'est ainsi pour toutes choses, tout s'efface lentement, les fleurs ou les sentiments. Elle était belle, ma rose, ses pétales de printemps s'envoleront dans le vent. Ah, le pays occitan, eh oui, le pays occitan, c'est une région où il fait bon vivre et où les traditions sont toujours là, avec Aurélien Schneider et son orchestre, bien sûr. faste. J'ai découvert ma belle Occitanie, ton pays bleu où l'on danse, où l'on rit. Et si tu veux pour toujours, on y construira un nid d'amour. J'ai découvert ma belle Occitanie, ton pays libre où l'on chante, où l'on rit. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Marjolaine, toi si jolie. Celle-là, vous la connaissez, hein? Oui, mais interprétée par l'orchestre de Dominique Moisan, c'est autre chose. Dans une rue pleine de brouillard, chantait, chantait une chanson que répétaient deux autres compagnons. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui, je reviens près de toi. We'll be right back. Marjolaine, toi si jolie. Marjolaine, le printemps fleurit. Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Remerciera jamais assez les soignants, on les remerciera jamais assez, parce que avec les temps difficiles dans lesquels nous sommes plongés, eh bien on a bien besoin d'eux et on a bien le droit de leur dire merci, merci à tous les soignants. Sans même hésiter, vous nous avez donné le meilleur de vous-même. C'est pour ça qu'on vous aime. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour vaincre le chaos. Vous êtes nos héros. Merci, merci les anonymes, tous les soignants, vaillants combattants. Merci, merci, c'est notre hommage pour saluer votre courage. La vie n'a pas de prix, et vous l'avez compris. Quand tout s'est arrêté, vous vous êtes restés. Les routiers, les caissières, pompiers ou boulangères, vous faites preuve de courage pour affronter l'orage. Merci, merci les anonymes, tous les soignants, vaillants combattants. Merci, merci, c'est notre hommage pour saluer votre courage. À présent sur nos gardes, nous tous on vous regarde. Vous êtes comme un rempart contre ce virus barbare. Vous êtes dans nos cœurs, demain sera meilleur. C'est sûr, nous gagnerons, ensemble nous vaincrons. Merci, merci d'avoir changé pour le meilleur l'affreux scénario, d'avoir écrit sans même signer des pages entières ou quelques mots. Merci, merci. Les soignants, vaillants combattants, merci pour tout, c'est notre hommage pour saluer votre courage, pour saluer. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Mexico. Alors là, Mexico, je ne vous la chanterai pas parce que ça monte un petit peu trop pour mon gosier. Mais Francis Guillon et son orchestre, lui, va vous l'interpréter à sa manière. On a chanté les Parisiennes, leurs petits nez et leurs chapeaux. On a chanté les Madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. On prétend que les Norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines d'un monde nouveau, on oublie tout. Sous le beau ciel de Mexico, on devient fou. Des rythmes tropicaux, le seul désir qui vous entraîne dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico, sous ton soleil qui chante. Chaque jour, Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes, Mexico, Mexico, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Aventure mexicaine, sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Le premier soir on se promène, on danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne, plus rien ne nous freine, on part au galop, on oublie tout. Le beau ciel de Mexico, on devient fou au son des rythmes tropicaux. Si vous avez un jour la peine de pouvoir prendre le bateau, allez goûter une semaine l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Chaque jour, Mexico, Mexico, tes femmes sont ardentes, Mexico, Mexico, et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Une petite Java, pourquoi pas une petite Java d'ailleurs. Eh oui, une petite Java pour égayer ce dimanche et ce mardi matin. Elle est belle comme ça, comme un bouquet de violettes. On l'appelle Miss La Jeanne, et lorsqu'on partira le soir au bal du Z, tous les gars sont très envieux, il a souvent des sous, il voudrait bien ma foi l'avoir seul au clan de Dieu, les pères à qui vivent, c'est le petit que j'avance. Sur la piste, avec l'allure qu'ont les artistes, comme une tourbillonne tourbillonne, faisant frétiller tous les hommes. Elle ne refuse pas la danse, mais si on lui fait une avance, elle est leste comme un chat, elle s'en va à petits pas. On l'appelle Miss La Jeanne, elle est belle comme ça, comme un bouquet de violettes. On l'appelle Miss La Jeanne, elle danse comme un petit rat le soir au bal musette. Tous les gars sont très impieux, ils la suivent des yeux, ils voudraient bien ma foi. D'avoir seul dans un lieu, les miracles, mais mieux cette petite Java. Allez la Java, à petits pas. Oh c'est chouette ce truc là. Elle est belle comme sur comme un bouquet de violette. On l'appelle Miss La Jeanne parce qu'on a petit bras le soir au bal musette. Tous les gars sont très impieux, il a suivi des autres, je voudrais bien ma foi avoir seul dans un lieu, les miracles et mieux cette petite Java. Oh c'est chouette la cadence, cadence musette. Valoir et ses jarretières, souffrent les jeunes et pépères, son beau renard en bandoulière, les rêves de toutes nos grand-mères. Et bien qu'elle soit très aguichante, elle reste toujours vigilante, la jupe fendue jusque derrière, elle en fout plus d'un par terre. On l'appelle Miss La Jeanne, elle est belle comme ça, comme un bouquet de violette. On l'appelle Miss La Jeanne, elle danse comme un petit rat le soir au bal musette. Les gars sont très impus, la suivre des yeux, je voudrais bien ma foi. D'avoir seul dans un univers à qui mime cette petite Java. Tous les gars sont très envieux, la suivre des yeux, je voudrais bien ma foi. D'avoir seul dans un univers à qui mime cette petite Java. Le Pazzo à Jojo. Alors, le Pazzo à Jojo, je la vois directement du côté des Loises, à un endroit où je présume qu'il y a foule ce matin. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Elle est si belle, mon cœur est frêle, je ne peux vraiment. en séchant des musées. Cette terre de face d'obre dit olé, on ne peut pas résister. Ce soir la reine est enflammée, laissez-vous porter. Dansez, dansez, bravo, dansez le passage. Ce soir mon amigo il fait si chaud. Elle est si belle, mon cœur est frêle, je ne peux vraiment pas lui résister. Cette demoiselle nous en sorcelle, des éternelles, vous serez tous enchantés. Elle est si belle, mon cœur est frêle, je ne peux vraiment pas lui résister. Cette demoiselle nous en sorcelle, des éternelles, vous serez tous enchantés. Sébastien Perrin nous ramène dans notre village, dans le village dans lequel eh bien, nous sommes tous un jour nés, tout simplement. Et pourquoi ne pas y refaire un retour ? À côté de l'église, nous fait du pain qui sent bon le pays. L'instituteur qui a les tempes grises a vu passer la course de la vie. L'ancien facteur repose au cimetière. 102 années, ce fut un long chemin. Ses deux enfants qui vivent en Angleterre viennent le voir ensemble chaque été. Quand tu reviendras au village où tu as passé ton jeune âge, tu retrouveras la rivière et la couleur des vieilles pierres. Quand tu reviendras au village après a construit une salle des fêtes pour remplacer l'antique chapiteau. On fait venir les grands as des musettes. Il y a même quelques soirées disco. On a refait le vieux toit de l'école. Les châtaigniers de la place ont grandi. Rappelle-toi nos jeux, nos courses folles. C'était le bon temps quand on était petit. Quand tu reviendras au village où tu as passé ton jeune âge, tu retrouveras la rivière et la couleur des vieilles pierres. Quand tu reviendras au village après mille vagues, que tout est tranquille, loin de la folie de la ville. Rina Ketty, ah, Rina Ketty chante gitane. Eh oui, alors, Rina Ketty nous chante donc gitane. On va lui laisser le micro. Ils sont arrivés ce soir en bruyant de caravane. Ils ont arrêté leur cirque ambulant sous les platanes. Déjà la plus belle gitane pour tout le pays va chanter. tatane, chante gitane, en balançant des rythmes doux, ton corps plus souple qu'une liane. Ta voix perce le rêve des garçons, ils se répètent ta chanson, mais tu ne le sais pas. Chante gitane, laisse-les croire aux mots ardents de ta romance castillane. Leur cœur profane a tant besoin d'un peu d'amour. Chante doux, chante gitane. À l'heure où tout dort, ce soir est partie la caravane. Là-bas vers le nord, ça n'est allé la belle gitane. Pourtant, tous les sombres platanes, un pauvre garçon rêve encore. Chante gitane, fille sauvage, cheveux noirs, chante ce soir dans ta roulotte. Chante gitane, sans te soucier du bruit des roues ni de la route qui cante. Là-bas, dans le village où tu passas, un cœur est triste et pense à toi, mais tu ne le sais pas. Chante gitane, en poursuivant toujours plus loin le long chemin des caravanes. Sous les platanes, pour celui qui t'aime d'amour, ta voix toujours chante gitane. Sébastien Perrin, vive les Tamalous. Ah oui, on a tous quelque part... un peu mal, alors c'est pourquoi on pose cette question. Les Tamalous. Des idées toutes faites, chaque jour ce serait l'été. Ils n'ont rien préparé, car ils penseraient à tout. En tout cas ce sera bien, on te fera rien du tout. Les Tamalous sont des gens très en forme, mais le matin il faut se dérouiller. Lever les bras et garder le pied ferme. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les Tamalous ont vraiment de la chance, ils ont pour eux le fruit de leur passé. En plus pour eux, c'est tous les jours dimanche, ils peuvent dormir ou bien aller danser. Mais la vie passe vite, la retraite est bien là, et on se sent tout vide, on traîne par-ci par-là. On va voir la famille, on prend quelques vacances, on reçoit les amis, mais seulement le dimanche. Les Tamalous sont des gens très en forme, mais le matin, il faut se dérouiller. Lever les bras et garder le pied ferme. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les Tamalous ont vraiment de la chance, ils ont pour eux le fruit de leur passé. En plus pour eux, c'est tous les jours dimanche, ils peuvent dormir ou bien aller danser. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les Tamalous ont vraiment de la chance. Ils ont pour eux le fruit de leur passé. En plus pour eux, c'est tous les jours dimanche. Ils peuvent dormir ou bien aller danser. Les tamalous sont des gens très en forme, mais le matin, il faut se dérouiller. Lever les bras et garder le pied ferme. Recommencer, surtout ne pas forcer. Les tamalous aiment bien les voyages. Quand on est jeune, il faut bien travailler. Mais maintenant, ce n'est plus de leur âge. Pour le travail, ils ont assez de. Et on termine cette partie de l'émission Dimanche Musette avec le tango bleu, Gérard Gouni et son ensemble. Partie de l'émission est ainsi terminée et nous faisons place maintenant eh bien, à la variété française. Et la variété française, nous allons la débuter là aussi avec une chanson de Marie-Noëlle Curtenat. Marie-Noëlle Curtenat, vous la connaissez bien, c'est une auteure, compositeur et interprète locale. Et elle nous dit, s'il fallait nous le rappeler, mais nous en convenons bien gentiment, les années passent. Le temps et les années passent beaucoup trop vite. J'ai gardé dans le nez l'odeur du chocolat, la tarte au mirabelle, au goût de caramel, qui me rappelle souvent mon enfance. De toutes ces heures qui fuient sans nous laisser le temps, se souvient pourtant de tous ces bons moments. L'odeur du café chaud sur le bord du fourneau, les châtaignes grillées qui nous brûlaient les doigts. Tous les jeudis matins, rejoindre mes amis, Eliane et Virginie. Sous la tonnelle en bois, on jouait à la marelle, à la corde à sauter, aux petits chevaux noirs. On partait à vélo, dans un panier d'osier, on ramassait des noix. On rentrait à la fête, tout fiers de nos exploits. Est-ce qu'on était heureuse dans tous ces moments-là? On était silencieuse quand arrivait l'automne, nous fallait reprendre le chemin de l'école. Écrire le nom de l'année et apprendre à compter. Se servir du buvard, ranger tous les cahiers. Des insouciants, dociles et innocentes. On jouait à faire semblant, on imitait les grands. Le soir, on s'endormait, des rêves plein la tête. Qu'est-ce qu'on était heureuse alors en ce temps-là? Rejoindre mes amis, Eliane et Virginie. Sous la tonnelle en bois, on jouait à la marelle, à la corde à sauter, au petit chevaux de bois. On partait à vélo, battait la campagne dans un panier d'osier. On ramassait les noix. On rentrait à la ferme, tout fier de nos exploits. Qu'est-ce qu'on était heureux dans tous ces moments-là. Dans un panier d'osier, on était heureuse. Dans tous ces moments-là. Laurent Voulzy nous parle d'amour. Lui, il nous dit « J'aime l'amour ». Mais qui ne l'aime pas l'amour ? Qu'elle efface de sa main en attendant sans y croire jusqu'au petit matin. Pour cet enfant qui se tait et celui qui se bat pour le jour qui se lève et le temps qui s'en va. J'aime l'amour. Nuit et jour, j'aime l'amour. Pour ce vieil homme qui cherche sa maison, toute sa vie là sous les pierres, par le feu des avions, pour les rivières qui se meurent, les caresses de l'aurore, pour les peines intérieures et les peines au dehors. J'aime l'amour. Jacques Brel, eh oui, Jacques Brel qui nous chante, lui, les vieux. Et c'est pas péjoratif dans ce mot, les vieux. Mmh.

Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent avec des coquillages lumineux. Oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plaises à mon père, tu plaises à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. Là, c'est également un chanteur, compositeur, interprète local. Il s'appelle Michel Alera. Il nous joue du saxo, mais il nous chante aussi. C'est tellement bon. Chanson qui te fait vibrer, grande émotion sans aucune autre intervention que son joli nom. Si t'as le cafard, que tes blafards soient pas en retard, rejoins-nous vite, viens faire la fête de suite. Un bon tempo, c'est ce qu'il nous faut, pas besoin de faire le gigolo. Même si ton cœur est un peu gros, ce serait ballot de ne pas savoir profiter. Prends donc la vie du bon côté, viens t'amuser et pourquoi pas danser. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Francis Cabrel, on ne le présente plus? Et non, parce qu'il nous annonce la bonne nouvelle. J'espère qu'elle va être vraiment bonne, cette nouvelle. Trois anges autour, toujours en sentinelle. Des papillons aux ailes lourdes de cannelle. Y'a pas de raison que ce soit confidentiel. Chaque fois que je te vois, que je t'appelle, la vie me donne ce que j'attends d'elle. Dans chaque bar, chaque coin de rue, chapelle. Tout le monde voit bien que sans toi je dérive au diesel. Toi t'as les clés de tout, de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle bonne nouvelle. J'entends les cuivres, les cordes, les corps, les violoncelles. La nature a beau faire le lait, le miel, le grand, l'inestimable. L'essentiel, c'est toujours mieux sous ton ombrelle. Bonne nouvelle. Je me battais comme tout le monde pour quitter les ombres profondes. Paradis des musiciens, cette chanson est une chanson fantastique parce que elle nous rappelle bien souvent nos amis, les musiciens, celles et ceux que nous avons connus quand nous étions de temps en temps sur le plancher des vaches. Eh oui, Isabelle Aubray, le paradis des musiciens. Quand je vais mourir, moi je veux aller dans le paradis des musiciens, là où tout le monde ça se met ensemble, là où ça chante de belles chansons, là où tout le monde ça se met ensemble et ça joue toute la nuit. Quand je vais mourir, moi je veux aller dans le paradis musicien. Quand je vais mourir, moi je veux aller dans le paradis musicien, là où tout le monde ça se met ensemble, là où ça chante de belles chansons, là où tout le monde ça se met ensemble et ça joue toute la nuit. Quand je dois mourir, moi je veux aller au paradis des musiciens. Une belle place dans le ciel, là où tout le monde il est content, là où il n'y a pas des mal compris, là où il n'y a pas des cœurs cassés, avec des fleurs et puis des oiseaux et tout le temps pour faire l'amour. Quand je dois mourir, moi je veux aller dans le paradis des musiciens. La la la. Avec Johnny Hallyday, il faut s'attendre à tout. Eh bien, on s'attend à tout. Il nous interprète « Un jour viendra ». On n'en doute pas. Ce jour-là viendra fatalement. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime du bout du cœur, mais le dire quand même, un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur, que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi.

chaud. Ce vieux soleil était trop fort pour ta peau. Cette mélodie qui reviendra parfois dans ta vie. That's why this melody is a melody for you. Les gens d'ici ne sont pas plus grands, plus fiers ou plus beaux. Seulement ils sont d'ici, les gens d'ici, comme cette Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Les Charlots également, hein, avec Chauffe Marcel. Vous vous en souvenez des Charlots? Ces quatre jeunes. Oui, enfin, ils étaient jeunes à l'époque en tout cas. Ces quatre jeunes avec Chauffe Marcel. Je fais tout ça qu'on me dit, mais je m'en fous, je gagne pas mal de la vie. Quand j'irai dans mon Berry natal, m'achèterai tout plein de cheval et je planterai mes choux, pas pour vous, comprenez-moi. Je dis n'importe quoi, je fais tout ça comme dit. Je danse même la bourrée sur les airs de Johnny. Que vous importe mes bœufs, mais les sabots que je veux. Je traîne mes vaches pour moi, pas pour vous, comprenez-moi. Solo, ouais, Chauffe Marcel. Yeah, yeah. Et let's twist the gun, ça chauffe. Ah ouais, c'est bon là. Ouais, je fais tout ça comme dit. Quand je suis un peu seul, je m'en vais voir la Marie. Je lui trouve son cotillon, elle me fait des gratouillons, elle me les fait à moi. Moi, vous comprenez-moi. N'importe quoi, je fais tout ça comme dit. Je dis n'importe quoi, très bon n'importe quoi. Moi je fais uniquement ce qu'on me dit. Et ça d'abord le primo c'est de la musique de beatnik. Ça chauffe, let's twist the gars, les copains, yeah yeah. Ça c'est de la musique, Chauffe Marcel. Oh yeah. Reprise et tout, hein, ça pulse. Loane est bien plus jeune, elle. Si t'étais là, on peut regretter certains départs. On regrette certains départs. fois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Michel Delpech, Michel Delpech, oubliez tout ce que je vous ai dit. Ça date de 1986. Elle est belle comme les filles du Sud. Mon destin commence avec elle. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait sans elle ne valait rien. Je voulais pas vivre en plein soleil. Je préférais les nuits sans sommeil. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait sans elle n'était rien. Aujourd'hui je dors avec elle. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Je vis pour elle, plus rien n'est pareil aujourd'hui. Je suis à elle, oubliez tout ce que je vous ai dit. Elle a dû naître pour être à moi, pour que je trouve, que je comprenne. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait sans elle ne valait rien. Elle est belle comme le ciel du sud. Mon destin commence avec elle. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait sans elle n'était rien. Aujourd'hui je dors avec elle. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Je vis pour elle. Plus rien n'est pareil aujourd'hui. Je suis à elle. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Aujourd'hui je dors avec elle. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Nicole Lorieux, Le temps d'une chanson. Et bonjour à toi l'artiste. Vartan, une très très vieille chanson, tous mes copains, eh bien tous les copains, ils sont là et ils écoutent cette émission. Tous mes copains, quand je les vois passer, tous mes copains sont à moi. Je les ai embrassés, tous mes copains m'aiment bien, tous mes copains, il faut bien les aimer, tous mes copains savent bien, quatre chemins, la nuit me les ramène sans attendre demain. Certains ne viendront plus, certains sont revenus, ils vont se marier et je ne les vois plus. Tous mes copains s'en vont main dans la main. Tous mes copains s'en iront. Tous